Il a un an. Il a 2 ans. Il a 3 ans. Il a 4 ans. Il a 5 ans. Il a 6 ans. Il a 7 ans. Il a 8 ans. Il a 9 ans. Il a 10 ans. Il a 11 ans. Il a 12 ans.